dans Matthieu chapitre 7. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Jésus a présenté le sermon ou l'édit du roi, ou a présenté les vérités du royaume, non pas pour aider les gens qui sont dans le royaume à vivre selon ces vérités-là, malgré que oui, ça pourrait être très bien, je ne crois pas qu'il l'a donné pour cela à ce moment-là, quand il a prêché. Le but, c'était de présenter le royaume de Dieu tel que lui le voyait, tel que lui voulait le préparer. Il a voulu dire aux gens qui écoutaient, « Voici ce que moi je suis en train de faire. Voulez-vous embarquer dans ce que moi je suis en train de faire? » Je vais vous dire la vérité telle que c'est, sans anicroche, sans amoindrir les choses, sans les mettre plus pire ou moins pire. Je vais vous donner la vérité toute crue, si je peux vous dire ça comme cela. Je vais vous dire telle que c'est, afin que vous preniez une décision avisée et sage. Voulez-vous embarquer dans ce royaume-là que je suis en train d'établir? C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin, mais on étudie. Il dit, ceux d'entre vous qui n'êtes pas prêts à quitter le père, le mère, le femme, leurs enfants, leur propre vie, vous n'entrerez pas dans ce royaume-là. Ceux qui ne sont pas prêts à tout abandonner, vous n'entrerez pas dans ce royaume-là. Il va leur donner tout ça. Puis à tout bout de champ, on voit des parties de la foule, des groupes dans la foule qui s'en vont. Ils partent, s'en vont. Ils ne suivent plus Jésus, c'est fini. Ils ne veulent pas de ces nouvelles règles que Jésus est en train d'établir. Et la majorité du peuple d'Israël va finalement dire, « C'en est assez et tu meurs. » Ils ne veulent pas ce nouveau royaume que Jésus est en train d'établir. Et si vous prêchez l'Évangile, comme je crois que vous le faites, comme moi on le fait, vous apercevez que bien des gens qui ne veulent pas non plus de ce nouveau royaume que Jésus est en train d'établir. Ils ne le veulent pas. Ils veulent d'autres choses que ça. Mais nous ne devons pas, nous autres non plus, changer les règles. Nous ne devons pas changer les données. Nous ne pouvons pas changer ce que Jésus a dit pour les aider à rentrer. On va leur dire un petit peu quelque chose. Puis là, mec soit entré, on va leur dire la vérité. Il y a un homme qui était venu à l'église à Victoriaville, où j'étais, puis il m'a dit, « Ouais, il dit, vous autres les baptistes, vous prêchez qu'on est sauvés sans les œuvres. Mais un coup qu'on est rentré, vous voulez qu'on en fasse en bébite. » Entre ce qu'on disait pour rentrer et ce qu'on disait pour rentrer, c'était pas la même affaire. En tout cas, lui, il ne voyait pas ça comme la même affaire. Jésus a dit la vérité telle que c'était. Puis il dit combien, réfléchis bien, pense bien, avant d'entrer, comprends dans quoi est-ce que tu vas t'embarquer si tu veux rentrer pour moi. Et c'est pour ça, frère et soeur, que vous avez peut-être connu depuis 10 ans, 20 ans, pour moi, 30 quelques années, maintenant peut-être, ouais, 30 quelques plus, 30 ans. J'ai vu tellement de monde embarquer. Et tellement de monde débarqué. Parce qu'ils ne veulent pas. Et quoi, embarquer dedans, ils s'aperçoivent, c'est pour ça qu'ils voulaient, et ils débarquent. Et Seigneur Jésus, il dit, dans le nouveau royaume que je suis en train d'établir, qui est déjà parmi vous, parce que moi je suis là, en tant que roi, il dit, ceux qui vont être bénis, ceux qui vont recevoir le royaume, ce n'est pas les performants, ce n'est pas les gens qui se croient bons, c'est les gens humbles. C'est ceux qui se croient pauvres en esprit qui vont l'avoir. Ensuite, il dit, ceux qui veulent entrer dans son royaume doivent entrer parce qu'ils recherchent la gloire de Dieu. Ils veulent la gloire de Dieu. Ils vont vivre pour la gloire de Dieu. C'est leur désir. Ils veulent que Dieu soit exalté. Ensuite, ils vont entrer. Et ces gens-là sont malheureux de l'état piteux dans lequel ils sont. Ils sont pécheurs, ils le savent. Et ils désirent la perfection. Et ils veulent entrer dans la perfection. Et Jésus va leur dire, dans le royaume de Dieu, il y a seulement de la perfection. Si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il va leur dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ensuite, il va leur dire, et il dit, dans le royaume de Dieu, on ne pratique pas la loi pour être vu des hommes, on pratique la loi ou on pratique ce que Dieu veut, aime ton Dieu, aime ton prochain, parce qu'on veut être vu de Dieu seul. On le fait pour Dieu, pour que Dieu soit exalté, et on veut que ce soit lui qui nous voit, et non pas les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Et tu dis, dans le royaume des cieux, que je suis en train d'établir, les gens ne vont pas vivre dans l'inquiétude, mais ils vont vivre dans la confiance de Dieu. Ils ne s'inquiéteront pas de l'avenir. Ils vont plutôt avoir confiance dans ce Dieu-là qu'ils recherchent. Et on a vu ensemble aussi que dans ce nouveau royaume, il dit, les gens ne jugent pas les autres, ils se jugent eux-mêmes. Ils se jugent eux-mêmes. Jésus dit, ne jugez pas les autres. Jugez-vous vous-même. Regardez dans votre propre vie. Regardez la poutre qui est là. Et enlevez-la, cette poutre-là. qui est dans votre œil. Ensuite, vous irez aider vos frères et sœurs qui ont des pailles dans leur œil. Mais dit avant, allez, faites votre propre vie, gardez-vous vous-même et enlevez la poutre et ensuite vous pouvez aller aider les autres. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que Jésus disait aussi. Et on a vu ensemble la dernière fois qu'il voulait aussi une nouvelle façon d'enseigner. Jésus dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui disent et qui ne font pas. Mais il dit, si vous voulez enseigner les autres à faire quelque chose, faites-le pour eux-mêmes premièrement. Et je crois que si vous êtes parents, si vous envisagez de devenir parents, rentrez ça très, très profondément dans votre tête. Vous ne ferez jamais faire à vos enfants ce que vous ne faites pas vous-même. Et c'est ça qui nous fait le plus de fois de mal, parce qu'on les voit faire des choses et on dit, « Où est-ce que tu as appris ça, donc? Ça doit venir de l'école, ça! » Ce qu'on dit, « Ça doit venir de la société! Ah, la TV! Ferme la TV, c'est pas bon pour les enfants! » On pense que les enfants, s'ils ne regardent pas la TV, ils vont être dans un monde parfait. Papa et maman sont parfaits. S'ils ne regardent pas la TV, ils sont corrects. Écoute pas cette musique-là, pas bon pour toi. Pareil comme s'ils écoutaient ma musique, ça sent correct. Non, non, non. Enfermez-vous avec vos enfants, puis ils vont en avoir assez, je garantis. Ils vont avoir assez de péché. Ils vont avoir assez de péché. Bye, Christiane, bonne journée. Donc, il dit, si vous voulez enseigner quelque chose, là, ici, il parle précisément du royaume de Dieu. Si vous voulez aider les gens à entrer dans le royaume de Dieu, bien, vous allez l'aider de la même façon que vous pensez que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Et si on veut aider les gens à entrer dans le royaume des cieux, on ne les aidera pas en leur disant « Tu ne fais pas correct, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas aller là, tu ne devrais pas toucher ça, tu ne devrais pas manger ça, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas regarder ça. » On faut leur parler quoi? De l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu envers les pécheurs que nous sommes. Hein? Je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait un enseignement dans l'évangélisation, si vous parlez du péché à des inconvertis, n'oubliez jamais de vous inclure dedans. Si vous pensez que les autres sont pécheurs, n'oubliez pas de leur dire, je suis comme toi, je suis un pécheur comme toi, sauvé par grâce. Hein? Je ne suis pas meilleur que toi, j'ai juste eu la grâce de Dieu de comprendre que qu'on peut être sauvé par la grâce de Dieu. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Parce que de se faire dire qu'ils sont pécheurs, toutes les religions du monde vont dire ça. J'étais catholique assez longtemps pour me faire dire que si je mourrais, je m'en irais probablement en enfer. Je savais ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu les aime et en Jésus-Christ peut les sauver. Et ce matin, nous allons voir que, à partir du verset 13, dans Matthieu chapitre 7, une nouvelle façon d'entrer dans la vie ou dans le royaume des cieux. Les Juifs avaient une idée comment ils devaient faire pour entrer dans le royaume des cieux. Vous vous souvenez combien de fois, quand Jésus était sur la terre, les gens sont venus le voir et ont dit, « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour avoir le royaume des cieux? Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? » Vous vous souvenez des gens qui sont venus? Le Samaritain, c'est un... Quand Jésus a conté l'histoire du Samaritain, des fois on oublie que Jésus a conté l'histoire du Samaritain à un homme qui venait juste de lui dire quoi? Oui, ça n'est pas pour ça que ça voulait dire. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus se vire d'abord, puis il compte l'histoire du Samaritain. Le jeune homme riche, vous vous souvenez, c'est quoi la question du jeune homme riche? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Les Juifs avaient une perception de qu'est-ce que c'était, ils avaient une perception de comment ils pouvaient entrer dans la vie éternelle, peu importe pour eux autres qu'est-ce que ça voulait dire, le mot « vie éternelle ». Et Jésus, pendant tout son ministère, là, s'est forcé de les enseigner, de leur montrer que ce n'est pas à leur façon, mais d'une autre façon qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Et ce matin, nous allons voir ça, c'est encore un bout, qu'il va leur dire, ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Si vous voulez entrer dans la vie, si vous voulez entrer dans la vie éternelle, si vous voulez entrer dans le royaume que moi je vais établir, ce n'est pas tout à fait comme vous pensez. Ce n'est pas tout à fait comme vous pensez. À partir du verset 13, il va leur dire, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, il leur dit, premièrement, que pour entrer dans le royaume des cieux, pour entrer dans la vie, il faut passer par une porte qui est étroite. Il dit, la plupart des gens, les gens qui vivent dans ce monde, les gens qui vivaient au temps de Jésus, voulaient entrer par la porte large. Quand j'étais jeune, et que chez nous on avait une porte d'entrée en avant puis une porte d'entrée en arrière. Vous avez vu ça? Hein? Vous avez été élevé comme ça, vous tout de suite, qu'il y avait une porte en avant, une porte en arrière. C'était pas pour le feu, vous savez. C'était pas pour le feu. C'était pas dans les règles encore dans ce temps-là. Les gens importants rentrant par en avant, les gens moins importants par en arrière. Comme ça, ça marchait. En avant, tu rentrais dans le salon, dans la belle place, fait que maman ne voulait pas qu'on rentre avec nos bottines sales, ou alors nos pieds, parce que plutôt on est les vignes du pied. Rentre pas là, rentre pas dans le salon avec tes pieds, ce que tu avais passé, tu n'es pas toujours propre, hein, les enfants, c'est comme ça. C'est qui les gens qui veulent rentrer par la grande porte où il y a un tapis rouge? Jésus dit, les hommes et les femmes de ce siècle veulent entrer par la grande porte sur le tapis rouge. Ils veulent entrer parce que s'ils rentrent par cette porte-là, ils sont importants. Mais s'ils rentrent par la petite porte en arrière ou sur le côté de la maison ou par en arrière de la maison, ils ne sont pas importants. Je me souviens une fois, ma mère avait dit à quelqu'un, « Va par la porte d'en arrière, s'il vous plaît. » J'ai entendu ma mère dire ça, « Va par la porte d'en arrière, s'il vous plaît. » Un quelqu'un qui passait dans le temps, ça se faisait, « Je suis peut-être un peu plus vieux que vous autres, vous n'avez peut-être pas vu souvent des quelqu'un aux portes, là. J'en ai vu un petit peu, chez nous. » Mais ma mère disait, « Pas la porte d'en arrière, s'il vous plaît. » C'est cette même pensée-là ici dans le texte. Jésus dit, « La majorité des êtres humains veulent entrer dans le royaume des cieux par une porte très large, spacieuse. Parce que quand tu rentres par là, c'est parce que tu es une personne importante. Tu es une personne bien. Tu es une personne qui va recevoir des applaudissements. Est-ce que vous avez regardé le film de j'essaie de trouver le titre, là. Voyons. Le gladiateur, c'est ça que je cherchais, le gladiateur. Quand le nouveau César entre, vous le voyez comment il rentre, hein? Les grandes portes, là, c'est la foule, puis les applaudissements, puis les roses, puis tout ce que tu veux. Il rentre parce que c'est une personne, la personne la plus importante du royaume romain, de l'Empire romain, c'est le César. Donc quand il rentre, on lui donne toute la gloire qu'il a droit d'avoir. Et les êtres humains, on est comme ça. On est comme ça. On veut que les gens nous fassent entrer par la porte large et spacieuse. Jésus dit, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Beaucoup. Mais c'est une porte qui mène où? À la perdition. Wow! Jésus est en train de dire à cette foule-là que là, beaucoup d'entre vous sont en train d'entrer par une porte qui les amène à la perdition. Est-ce qu'il pense que c'est la perdition devant de la porte? Ben non. S'il savait, il ne rentrait pas par là. Mais il pense qu'en rentrant par là, ils vont être bien reçus par Dieu. Parce que c'est les gens importants qui rentrent par là. Les gens spirituellement bien qui rentrent par là. Les gens bons qui rentrent par là. Les bonnes personnes qui rentrent par là. Ils rentrent par une porte large et spacieuse. Ils s'attendent à recevoir de la part de celui qui est l'autre bord de la porte un mot de bienvenue. Jésus dit non. Il dit, si tu veux rentrer dans le royaume ou tu veux rentrer dans la vie, il faut que tu rentres par le chemin resserré, une porte étroite. Et la porte resserrée ou le chemin resserré, la porte étroite, le petit chemin par du côté de la maison, dans l'allée de côté, rentre par en arrière où est-ce que la poubelle allait. Souvent, on mettait les poubelles en arrière hein, de la maison. On ne met pas les poubelles en avant de la maison, on mettait en arrière. On va rentrer par là. Il dit, eux autres, ils vont trouver la vie. Les gens, ce qu'il est en train de dire ici, c'est la même vérité que tout au long du sermon sur la montagne. Les humbles vont entrer dans le royaume des cieux, les orgueilleux ne rentreront jamais. Tu ne devrais pas te présenter à la porte d'en avant, tu devrais, toi, personnellement, décider d'aller passer par la porte d'en arrière. Parce que tu sais qui tu es. C'est toi qui dis, bénis les humbles en esprit, bénis les pauvres spirituellement, bénis ceux qui savent qu'ils n'ont pas le droit de rentrer par la porte d'en avant. Ils vont aller rentrer par la porte d'en arrière et ils vont être sauvés. C'est la même vérité qu'on va voir un peu plus loin de ce pharisien qui est dans le temple, qui est rentré par la porte large, je suis convaincu, et qui dit, je jeûne, je prie, je suis un homme bon, je ne suis pas comme ce foutu publicain en arrière, qui lui, c'est un pécheur. Jésus a dit la même vérité ici. Parce que toi, tu es rentré par la porte d'en avant, tu vas être perdu. Mais lui est rentré par la porte d'en arrière, puis il est resté en arrière, il s'est caché dans le coin sombre, il dit, lui, il va être sauvé. C'est tellement contradictoire à la pensée de l'être humain. Quand Jésus a dit ça, moi, je suis convaincu qu'il y a un paquet de monde qui est tombé à la renverse. Qui a dit, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas d'allure? Ça n'a pas d'allure, voyons donc. Jésus dit, si tu veux rentrer dans mon royaume, il va falloir que tu rentres par la porte d'en arrière. Petite porte étroite. Petite porte où est-ce que les humbles se présentent. Et là, tu vas trouver la vie. Et je crois que si Jésus serait ici, à Mont-Tremblant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Dirait-il encore la même chose, je pense? Je crois que oui. Le monde n'a pas changé. Le monde n'est pas pire, puis pas mieux. Et Jésus dirait encore à la foule, beaucoup essaient de rentrer par la porte est large, par le chemin spacieux. Mais ils vont aller à la perdition. Donc, il faut nous autres aussi, par notre témoignage, par notre vie, par nos paroles, il faut encourager les gens à aller rentrer par la porte étroite, parce que c'est par là que nous, on est rentrés en tant que chrétiens, par la porte étroite, s'humiliant devant Dieu. C'est comme ça qu'il faut les encourager. Il ne faut pas les encourager à devenir des bonnes personnes. Alors, je me souviens toujours de mon beau-frère, qui aujourd'hui est chrétien, mais dans le temps, quand on avait parlé de l'Évangile avec lui, il essayait de faire des bonnes choses avant de devenir chrétien. Il voulait essayer de faire des bonnes choses. Il voulait essayer d'arrêter de faire des péchés avant d'entrer dans le royaume. Il voulait faire des choses bonnes pour que Dieu l'accepte dans le royaume des cieux. Et que c'était Dieu de le convaincre que ça n'avait pas d'importance, que Dieu n'attendait pas ça de lui. Mais il attendait que lui se présente devant Dieu dans l'humilité. Donc, il dit, ne cherche pas une porte large, un chemin spacieux, mais il dit, cherchez le chemin étroit, le chemin resserré, la porte étroite, et vous allez pouvoir rentrer dans la vie. Pardon. Et il y en a peu qui vont la trouver. Je ne sais pas ce que ça veut dire, combien le mot peu. Mais j'aimerais vous encourager à penser à ceci. Quand vous sortez de vos maisons pour aller atteindre le monde pour Jésus-Christ, souvenez-vous que c'est peu. Ça n'est pas qu'on dit de gagner la ville, c'est peu. Ce n'est pas toute la province de Québec qui va se convertir, c'est peu. Ce n'est pas le Canada qui va se convertir, c'est peu de gens. Dans le monde entier, ça veut dire quoi? Peu. Je ne peux pas mettre un chiffre à ça. Mais je sais une chose, pour moi, quand on dit beaucoup et qu'on dit peu, je comprends la différence. Jésus dit, il y a beaucoup de monde sur les 7 milliards, il y en a beaucoup des 7 milliards qui vont rentrer par une grande porte, qui vont aller à la perdition. Puis il y en a peu parmi les 7 milliards qui vont trouver le chemin de la vie. Il y en a peu. Combien ça veut dire peu? Ben, faites le guess que vous voulez. Mais une chose, je veux dire, c'est peu. Ça veut dire que la grande majorité de notre société, du monde dans lequel nous vivons, vont jamais entrer dans le ciel, dans la présence de Dieu. Ils vont jamais entrer. Parce qu'ils essaient de rentrer par la porte large, au lieu de rentrer par la porte étroite. C'est trop humiliant. C'est trop humiliant de rentrer par la porte étroite. À partir du verset 15, il va dire une autre chose qui est dans la même lignée de pensée. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figures sur des des figues, sur des champs. Donc, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, si le principe est simple, hein, c'est simple ce que Jésus dit. Il dit, vous devez porter de bons fruits. Si vous ne portez pas de bons fruits, vous êtes un mauvais arbre. Puis il dit, méfiez-vous des gens qui viennent à vous et qui vous enseignent, qui vous prêchent. Vérifiez, ouais, s'ils portent de bons fruits. S'ils ne portent pas de bons fruits, c'est des hypocrites, c'est des gens, c'est des faux prophètes, c'est des faux enseignants, des faux docteurs. Il dit, recherchez les gens qui portent de bons fruits, si vous voulez être dirigé spirituellement parlant. Là, il dit, un bon arbre ne porte pas de bons fruits, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Mais il va plus loin en disant, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Voyez-vous? Puis il va aller dans l'autre sens, il dit, un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Mais il va plus loin en disant, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est plus fort. Il dit, regardez les gens autour de vous qui viennent vous parler, et il dit, regardez bien, jugez-les, voir si c'est des vrais ou des faux. Si c'est un vrai prophète ou un faux prophète. Mais pour être capable de reconnaître le vrai du faux, il faut que je sache, moi, c'est quoi la différence entre le vrai et le faux. C'est dur de savoir si lui, c'est un faux prophète. Comment je peux savoir ça, à moins que moi, je connaisse qu'est-ce qui est vrai? Donc, je dois moi-même m'analyser pour voir si moi, je porte du bon fruit. Pour pouvoir analyser les autres alentour de moi, pour voir s'ils m'enseignent, eux autres aussi, les bons fruits. Je ne peux pas faire autrement, ça serait illogique. Encore une fois, il est en train de dire qu'il y a des gens dans ce monde qui vont se présenter comme des gens qui, c'est des bons bergers, c'est des gens, ils s'habillent en brebis, hein, ils se déguisent en brebis, mais dans le fond, c'est des gens qui portent de mauvais fruits. C'est des gens qui sont hypocrites. Ils veulent, quand tu te déguises, qu'est-ce que ça veut dire quand tu te déguises? T'es-tu déjà déguisé pour l'Halloween? Déguisé pour le... Nous, dans mon temps, c'était le Mardi Gras. T'es-tu déjà déguisé pour le Mardi Gras? Quand tu te déguises, c'est quoi la raison? On veut faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est ça. On veut passer pour quelqu'un d'autre. Je me déguise en police, donc je vais passer pour une police. Je me déguise en sorcière, je vais passer pour une sorcière. Je me déguise en je sais pas quoi, là, mais je vais passer pour ce personnage. Je veux passer pour un autre personnage. Si je me déguise pas, ben je vais passer pour moi. Pour François. Ces gens-là ici se sont déguisés. Les faux prophètes, c'est des gens qui se déguisent. Ils s'habillent comme des brebis. Ils veulent passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Jésus dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. La grande question, c'est quoi? Quels sont donc ces fruits-là? Quels sont donc? Je peux reconnaître. Mon gars m'a amené dans le bois, ben, on était dans le bois, puis il dit, là, il savait que j'avais fait un petit cours d'horticulture, puis il a testé mes connaissances dans le bois. Il s'est aperçu vite que je n'ai pas fini mon cours. Il m'a monté des arbres. Papa, tu sais quoi, cet arbre-là? Là, les arbres n'ont pas encore de feuilles. Il y a des petits bourgeons, une petite feuille verte, tout petite. Là, j'essaie de voir. Mais, j'essaie de voir. Mais, là, non, c'est pas ça. Il dit, c'est ça. Ah, bon, je me suis fait avoir. Si j'avais vu la feuille, puis j'avais regardé en terre, en tour, puis j'avais cherché les fruits qu'il y avait, s'il y avait des fruits quelconques, j'aurais vu certains samars pour les érables, j'aurais vu des glands pour les chênes, j'aurais vu certaines choses, j'aurais pu reconnaître à leurs fruits, j'aurais pu dire, ah, oui, ça c'est un chêne, oui, regarde, il y a des glands, c'est en terre, il y a des glands, c'est un chêne. Hein, c'est ça qu'on veut dire, là. C'est quoi le fruit pour reconnaître le vrai prophète, ou le croyant, ou celui qui fait partie de l'homme des cieux? C'est quoi ces fruits-là? Oui. Glorifier Dieu, oui, glorifier Dieu. Ils vont annoncer la grâce de Dieu, ils vont aller sur leur procès, la parole de Dieu. OK. Donc, ils vont parler de ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné. Si on pense, que, comme certains vont penser, que les fruits, c'est les œuvres que nous faisons, les bonnes actions que nous faisons, la capacité que nous avons d'obéir à Dieu, OK? Si c'est ça les fruits, ils allaient les reconnaître. Regardez cet homme-là ou cette femme-là, regarde, c'est une bonne personne, donc ça doit être un chrétien, ou ça doit être un vrai prophète, ou un vrai enseignant. Puis si tu regardes, ah lui, oh non, lui, c'est est un menteur, il vole, il est hypocrite, c'est pas un chrétien, c'est peut-être un faux prophète. Ça. Puis il a volé de l'argent, il dit, c'est certainement pas un bon pasteur. Si on élimine les gens par la capacité qu'ils ont d'obéir à Dieu, ou du commandement de Dieu, là, c'est ça qu'on parle, le résumé de la loi, où tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi. Si on analyse les gens et on dit, ça c'est le fruit qu'on doit rechercher sur la personne, on est mal foutu. On s'est mal pris, hein? Parce qu'on n'est pas capable de le faire, ça, parfaitement, ces fruits-là. On a tous péché cette semaine. Fait que quelqu'un aurait pu nous regarder et dire, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ben avec les fruits qu'on a portés cette semaine. Moi, je vous dis, même dans les églises évangéliques, la plupart du temps, quand on remet en question le salut de quelqu'un, on parle de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. On reparle de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est drôle, hein? On dit, c'est pas par les fruits, c'est pas par les œuvres, mais on met en doute leur salut quand ils commencent à ne pas faire ce qu'ils devraient faire ou ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Alors, je ne pense pas qu'il est chrétien, lui, regarde ce qu'il fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne façon? Je ne crois pas. On ne juge pas les gens comme ça parce que on se fait tout avoir. Puis si tu ne portes pas de bons fruits, qu'est-ce qui arrive? Si tu ne portes pas de bons fruits, qu'est-ce qui arrive? Tu es coupé et jeté au feu. On te brûle. On te jette au feu. On te discarte. On t'élimine. Et donc, si c'est ça, cette semaine, on mériterait tous d'être éliminés, d'être jetés au feu et brûlés, parce qu'on n'a pas fait tous ces fruits-là. Mais je crois que les fruits qu'il parle ici, il parle des fruits de l'Évangile, les fruits que tu reconnais que tu es un pécheur, que tu reconnais que tu rentres par une porte étroite, tu reconnais que Jésus est ton sauveur, tu reconnais. C'est ça les fruits de l'Évangile. C'est ça les fruits d'un chrétien. Quelqu'un qui dit que, oui, je suis moi un perdu, mais j'ai été sauvé par quelqu'un. C'est ça les fruits du chrétien. Il ne parle pas de son accomplissement, il ne parle pas de ses capacités de faire ou de ne pas faire, il parle de ce que quelqu'un d'autre a fait pour lui. C'est ça le chrétien. C'est ça le fruit du chrétien. Et si vous lisez l'Apocalypse, lisez-la encore une fois et regardez ce que les gens dans le ciel disent. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Ils parlent de ce que Jésus a fait pour eux. C'est ça? Donc faites attention quand vous allez reprendre les gens, si vous reprenez les gens, si vous accusez les gens, et si vous parlez du monde dans lequel vous... Des fois, on parle du monde d'une façon telle qu'on pense que les gens sont mauvais dans le monde, puis nous, on est correct dans l'Église. Et c'est une erreur monumentale. Parce que quand ils se reviennent de bord et qu'ils nous regardent vivre, ils s'aperçoivent très vite qu'on est des pécheurs pareils comme eux autres. Et vous entendez de tous ces scandales qui passent à la télévision, des gens dans les églises, hein? Toutes sortes d'églises, pas juste une sorte d'église, toutes sortes d'églises qu'on parle des scandales qui se passent là. Des scandales financiers, des scandales sexuels, des scandales de toutes sortes de manières. Et si c'est l'église, ça se posait être meilleur, on ne devrait pas en entendre parler de ça. Mais pourtant, on entend parler. Donc l'église ne doit pas parler que nous, on a atteint un état de sainteté ou un stade de sainteté que, waouh! Puis Paul se tromperait quand il dirait à l'église de Corinthe, vous faites des péchés que même les gens dehors de l'église ne font même pas. Il y a des péchés dans l'église que les gens inconvertis ne font même pas. Vous les faites, vous autres. Et pourtant, ils nous avaient bien dit avant, vous êtes des chrétiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous avez été sauvés et lavés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si c'est ça les fruits, on est fait à l'os toute la gang. Les bons fruits, je crois que c'est ceux qui proclament l'amour de Dieu, proclament la grâce de Dieu, proclament la bonté de Dieu à travers Jésus-Christ, qui proclament la grâce, la paix, l'amour de Dieu qui offre à l'humanité. Faisons attention, ne parlons pas trop de nous. Ne parlons pas trop de nous. C'est pas très édifiant l'un des nôtres. Parlons plutôt de ce que Dieu a fait. Et il devrait nous reconnaître, nous, les chrétiens. Il devrait nous reconnaître, nous. Parce qu'on est tous des prophètes. Hein? On est tous des prophètes. On a été appelés à aller prêcher. Donc, c'est nous autres, on est des prophètes. On est là pour prêcher au monde. On est là pour dire au monde. Et le monde, quand ils vont nous regarder, ils vont, si on leur dit des choses à faire ou à ne pas faire, ils vont nous regarder et ils vont nous dire, mais c'est un hypocrite, il le fait lui-même. Il nous dit de ne pas faire ça, puis il le fait lui-même. Parce que je vous l'ai déjà dit, nommez un péché et nommez-le par lequel. Puis je peux aller dans votre vie puis je vais le trouver. Je vais le trouver. Tu dis, je ne vais pas voler, je vais vous retrouver à quelque part que vous n'êtes pas toujours honnête à 100%. Il ne faut pas mentir, je vais vous retrouver en train de mentir. Il ne faut pas être orgueilleux, je vais vous trouver dans l'orgueil. Il ne faut pas convoiter, je vais vous trouver en train de convoiter à quelque part. Ce n'est pas mieux, là. On ne proclame pas notre sainteté. On proclame la sainteté de Dieu envers nous, les pécheurs. Troisièmement, en terminant, versets 21 à 27, c'est trois fois la même chose qu'il va répéter. Hein? Rentrez par la porte étroite, portez des bons fruits, et là, il va dire maintenant, bâtissez votre maison sur le roc. On a chanté ça avec nos enfants pendant, je pense, 15 ans. Bâtir sa maison sur le roc, il y avait un petit chant là-dessus, bâtissez la maison. On l'a-tu chanté avec nos enfants, ce petit chant-là. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah, comment ça, donc? Pourtant, ils proclament le nom du Seigneur Jésus. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Hey, on a fait des bonnes choses, Seigneur, pour toi, hein? Remarquez bien qu'est-ce qu'ils font. Nous, son nom, c'est lui, je, hein, il parle de lui. Je. Seigneur, j'ai prophétisé par ton nom, j'ai chassé des démons par ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom. Seigneur, je t'aime beaucoup, moi. C'est ça qu'il dit, là. Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, et là, ça va être une surprise pour eux autres, il semblerait. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Jésus dit ici, ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, ceux qui vont faire partie de ce nouveau royaume, c'est ceux qui vont bâtir leur vie sur le roc. Ce n'est pas des grands parleurs, petits faiseurs. Parce que dans le premier bout qu'on a fait, c'était des grands parleurs. Hein? Je. Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et que ça va être une méchante surprise pour les autres. Ils vont mourir croyant être corrects. Ils vont mourir les mains jointes en train de prier. Ils vont laisser leurs argent pour faire toutes sortes d'affaires pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Ils vont arriver devant le Seigneur et le Seigneur va dire, je ne te connais pas, pauvre toi. Attends, je ne te connais pas. Parce qu'il dit, la raison qu'il dit, c'est parce qu'il dit, tu es un ouvrier ou tu es quelqu'un qui commet l'iniquité. C'est quoi ça, l'iniquité? C'est quoi ça, inique? C'est ce qui n'est pas juste. Tu commets l'injustice. Tu n'es pas un homme ou une femme juste. Pourtant, le gars est très religieux. Hein? Ce qu'on peut voir, il est très religieux. Il parle du Seigneur, il fait des miracles, il chasse des démons, il prie. Le gars, c'est un religieux, ça, ce gars-là. Il va à l'église, il lit peut-être sa Bible, il fait toutes sortes d'affaires. C'est un gars qui est très religieux. Isaïe dit, je ne te connais pas parce que tu commets l'iniquité. Va-t'en, va-t'en, tu ne peux pas rentrer ici. Puis dans l'Apocalypse, il dit, il n'y a aucun inique qui va rentrer dans le royaume des cieux. Aucun. Et c'est conséquent avec ce qu'il vient de dire ici. Hein. La Bible est conséquente avec elle-même. Les iniques, selon ce que Jésus vient de dire ici, les iniques ne vont pas entrer. Vont pas entrer. Ceux qui commettent l'injustice ne vont pas entrer. Si on arrêterait ça là, on aurait un problème. L'iniquité, c'est quoi ça? De quoi il parle? S'il parle des péchés en général, ben. Je suis découragé. S'il parle des péchés en général, ben, on ne rentre pas par ça. Vous avez tous péché cette semaine. Si vous seriez mort cette semaine, et si c'est des péchés, Jésus, vous allez arriver au Roi Jésus, il aurait dit, ben, François, tu ne peux pas rentrer ici, tu as commis des péchés toute la semaine. Si c'est ça que ça veut dire, ben c'est ça qu'il m'aurait dit. Hein? De quoi il parle? Quand il dit ça à ces hommes-là, vous êtes des pécheurs, donc vous ne pouvez pas rentrer ici. Vous avez commis l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Vous n'avez pas fait, parce qu'il dit, si vous faites la volonté de mon Père, vous allez entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne faites pas la volonté de mon Père, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous dites que la volonté du Père, la volonté de Dieu, c'est de faire les 10 commandements, j'ai une surprise pour vous, j'ai autant vous surprendre ici que vous soyez surpris l'autre bord. Vous ne rentrerez pas au ciel. Parce que les 10 commandements, vous ne les faites pas plus que moi. Vous ne les faites pas. Ah, vous aimeriez les faire. Oh, vous essayez de les faire peut-être. Mais vous ne les faites pas. Vous essayez seulement. Des fois, vous réussissez un petit peu, des fois à moitié, des fois, vous en faites le. Hop, là, j'étais bon, j'ai réussi celui-là aujourd'hui. J'ai manqué 9 autres. Si c'est ça, on est fait. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Dans le nouveau royaume, dans le temps de l'Église, dans le temps de la grâce, la volonté de Dieu, c'est une chose. Croire en celui qui l'a envoyé. C'est ça la volonté du Père. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de croire en celui que lui a envoyé pour nous sauver. C'est la seule chose qu'il nous demande. Un jour, des gens sont venus voir Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est quoi les œuvres qu'on doit faire? Jésus a dit, l'œuvre, il y a une mission singulière, il dit, l'œuvre que je veux que vous fassiez, que le Père veut que vous fassiez, c'est que vous croyez en moi qu'il a envoyé. Ah, ben là, ça change les données. Si le péché non pardonnable, le péché, c'est de rejeter le Christ, la vérité ou ce que je dois faire, c'est d'accepter le Christ, c'est de recevoir le Christ, c'est de croire au Christ. Et là, ça devient conséquent avec la vérité de l'ensemble du Nouveau Testament. Jésus dit, si tu bâtis ta vie sur ce que je viens de dire dans ces 5 chapitres-là, hein, dans ces 3 ou 4 chapitres-là, sur le sermon que je viens de faire. Si tu bâtis ta vie là-dessus, tu vas être un homme intelligent qui va bâtir sa maison sur le roc. Et quand le jugement de Dieu va venir, hein, parce qu'ici on sait bien que l'eau et le vent, c'est le jugement de Dieu. Quand le jugement de Dieu va venir, tu vas résister, tu vas être ferme. Ferme. Pas parce que tu as réussi à ne pas pécher. C'est parce que tu as cru en moi. Parce que tu as mis ta confiance en moi. C'est pas parce que tu as réussi à faire des miracles, c'est pas parce que tu as donné ton argent, peu importe si tu as donné la dîme ou quoi que ce soit, ça n'a pas rapport. Mais il dit, si tu as cru en moi, tu vas résister au jugement de Dieu qui va venir s'effondrer sur le monde. Mais il dit, si tu ne bases pas ta vie sur ce que je viens de dire, hein, il dit, tu es un homme insensé et le jugement de Dieu va venir et tu vas être balayé. Tu vas être détruit. C'est toujours la même vérité ici. Toujours la même vérité. On pourrait résumer le sermon sur la montagne dans une phrase, comme l'apôtre Pierre ou les autres vont dire dans d'autres passages du Nouveau Testament. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Es-tu un orgueilleux ou un humble? C'est tout ce que tu peux te poser comme question. Est-ce que je suis un orgueilleux ce matin ou un humble? L'orgueilleux, il veut rentrer par la porte large. L'orgueilleux, lui, il veut montrer au monde quelque chose qu'il n'est pas. Il se déguise en brebis. Il met son habit de baptiste le dimanche matin, puis s'en va à l'église. Hein. Si c'est un déguisement, il n'est pas meilleur que l'autre. Hein. C'est un déguisement. Ça ne vaut pas 5 cents, ce déguisement-là non plus. Il n'est pas meilleur que l'autre. Hein. Il dit non, non. Il dit, si tu es humble, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es en tant que personne. Et si tu sais aussi qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, qui a été régénéré et sauvé et lavé. Mais tu sais qui tu es. Tu n'as pas raison, comme cet homme qu'on va voir dans quelques semaines. Tu te frappes la poitrine, puis tu sais qui tu es. Tu es un pécheur et tu as été sauvé par grâce. Tu marches la tête haute maintenant. Mais tu marches à tes autres à cause que tu as été sauvé par grâce, pas parce que tu as réussi à accomplir quelque chose. Quand nous parlons en mal des gens, et des gens qui nous entourent, de la société, ou de d'autres chrétiens, ou de d'autres églises, vous le faites, je le fais. Oh, je sais bien. Je vous côtoie depuis 7 ans, et je sais que vous le faites. Des fois, on oublie qui on est. On est juste des gens sauvés par grâce. On n'est pas plus que ça. Juste des gens sauvés par grâce. Rappelons-nous ça. Et si on se rappelle ça, c'est la marque de l'humilité. Et que quand on va parler des gens autour de nous, on va être moins sévère, on va être moins condamnable, ou condamnant, je devrais dire. On va juger moins sévèrement les gens. Parce qu'on sait que nous, on n'est pas meilleurs qu'eux. Nous sommes sauvés à cause de la grâce de Dieu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu. Et le royaume que tu es en train de bâtir, parce que tu es en train encore de bâtir ce royaume, parce que tu as dit, je bâtirai mon Église. C'est un royaume bien différent que le royaume des hommes. Tellement différent. Dans le royaume des cieux, on parle des humbles. Quand on nous parle des nouvelles, on parle des grands de ce monde. On parle de ceux qui ont accompli des grandes choses. Mais toi, tu bénis ceux qui bâtissent leur vie sur l'enseignement de Jésus. Merci Seigneur Jésus de nous avoir dit la vérité, de nous avoir montré que le chemin est étroit, que la porte est étroite, que le chemin est resserré. Et tu nous as donné la grâce de le prendre. On ne l'a pas pris parce qu'on était plus intelligent. On l'a pris parce que tu nous as guidés dans ce chemin. Tu nous as montré. Tu nous as convaincus. Puisses-tu nous aider à se présenter dans ce monde humblement, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos rues, à l'école, au travail, qu'on soit reconnu comme des gens humbles. Et nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va faire un dernier petit chant, si vous voulez bien, avant de terminer.